Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des 27 qui cherchent une voie commune sur la question migratoire. Et après les élections européennes et le léger basculement à droite du Parlement européen, la question de l'asile et de l'immigration revient. Oui, il est possible de constater un durcissement des positions des États membres sur la politique migratoire, bien qu'il reste divisé sur la méthode appliquée. La présidente de la Commission invite à envisager des solutions innovantes. Un pacte asile et migration n'avait-il pas été voté récemment ? Si, et la pression s'intensifie pour accélérer la mise en œuvre de ce pacte, prévu pour juin 2026. L'Espagne, la France et les Pays-Bas y sont favorables. À l'inverse, la Pologne souhaite mettre à profit l'année et demie qui reste avant l'entrée en vigueur du pacte pour combler ce qu'elle considère comme des lacunes dans celui-ci. Elle n'est pas la seule. De nombreux gouvernements européens remettent aujourd'hui en question un ensemble de lois qu'ils ont adoptées il y a 4 mois, ce qui met une fois de plus en évidence les divisions entre les 27 États membres de l'Union européenne. Quelles sont les solutions mises en avant ? Alors, parmi les propositions discutées, l'une d'entre elles, la plus controversée et la plus conflictuelle, ouvre la porte à la création de centres en dehors des frontières européennes pour expulser les migrants en situation irrégulière. Cette méthode, adoptée par le gouvernement nationaliste de Giorgia Meloni en Italie, s'est concrétisée par un accord entre l'Italie justement et l'Albanie en novembre 2023, avec un premier transfert de migrants mi-octobre 2024. Néanmoins, tout ceci a été bloqué par le tribunal de Rome pour le moment. Et comment cela fonctionne ? Alors, les migrants sont identifiés, leurs empreintes digitales seront relevées dans un hotspot, donc un endroit nouvellement construit et financé par l'Italie, mais présent en Albanie. Une fois leur demande d'asile traitée, ils devront attendre le verdict dans un second centre, en Albanie toujours, qui dispose d'une installation d'accueil de 880 lits pour les demandeurs d'asile et d'un centre de rapatriement de 144 lits pour ceux dont la demande a été rejetée, en attendant leur expulsion si leur pays d'origine accepte de les accueillir à son tour. C'est une initiative qui séduit même au niveau de la Commission européenne. Oui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit dans une lettre adressée aux dirigeants de l'Union européenne le lundi 14 octobre que, je cite, « le lancement des opérations prévues par le protocole Italie-Albanie nous permettra de tirer des enseignements pratiques de cette expérience ». Et donc, à quoi pourraient ressembler les centres de retour envisagés par l'Union européenne ? Alors, ni les États membres ni la Commission n'ont jusqu'à présent été en mesure de donner une idée claire de la finalité de ces centres et de la manière dont ils s'aligneraient sur le droit européen et international, mais deux options dominent. Alors, l'option numéro 1, l'externalisation du traitement des demandes d'asile. Oui, la première option s'inspire de l'accord récemment mis en œuvre entre l'Italie et l'Albanie. En vertu de cet accord, les gardes-côtes italiens sont chargés de transférer les réfugiés masculins interceptés en mer vers des centres situés sur le territoire albanais. De leur côté, les femmes, les enfants et les personnes vulnérables doivent, en vertu de la loi, être autorisées à débarquer en Italie. Ces centres en Albanie, financés par Rome, fonctionnent sous la juridiction italienne et traitent les demandes d'asile avant de décider si les exilés sont autorisés à entrer sur le territoire italien et par extension dans l'Union européenne. Mais légalement, il y a quelques freins. Oui, cet accord bilatéral, le premier en son genre, a été présenté par plusieurs capitales de l'Union européenne comme une approche prometteuse pour externaliser le traitement des demandes d'asile avant même que les réfugiés ne mettent le pied sur le continent. Mais l'accord entre l'Italie et l'Albanie et son éventuelle reproduction au niveau européen entre techniquement en conflit avec la législation européenne puisque cette dernière précise que les procédures d'asile ne peuvent se dérouler que sur le territoire de l'Union européenne. Et maintenant, la deuxième option, c'est renvoyer ceux qui doivent être renvoyés. Oui, la deuxième option consiste à créer des centres de retour dans les pays tiers où les personnes auxquelles l'Union européenne a refusé l'asile, donc la demande serait déposée donc dans les pays de l'Union européenne, et si les personnes sont refusées, elles seraient placées en attendant d'être définitivement renvoyées dans leur pays d'origine. Contrairement à la première option, ces centres ne seraient donc pas utilisés pour traiter les demandes d'asile elles-mêmes, mais se concentreraient sur les renvois de demandeurs d'asile déboutés. Mais là aussi, des zones d'ombre subsistent. Oui, certains s'inquiètent du fait que ces centres pourraient permettre une détention illégale et créer des situations dans lesquelles les migrants ne pourraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine parce que celui-ci n'est pas sûr ou parce que ce pays refuse de les accepter. Cette deuxième option laisse beaucoup de questions en suspens parce qu'elle créerait un vide juridique pour les personnes qui s'y trouvent sans accès véritable à leurs droits. C'est une décision qui va prendre du temps. Oui, il appartient désormais aux dirigeants de l'Union européenne et à la Commission européenne d'envisager une propositions concrètes pour ces centres de retour. Bien que plusieurs options soient sur la table donc et que les dirigeants se penchent sur la question, il est peu probable qu'un point de vue clair émerge de sitôt. En effet, la proposition n'a pas été bien accueillie par le gouvernement de Pedro Sanchez en Espagne, qui, par l'intermédiaire de son porte-parole, a déjà assuré que la position de l'Espagne restait basée sur une application humanitaire et solidaire du pacte sur l'immigration et l'asile en Europe. Et ce, alors que l'Espagne, justement, l'une des portes d'entrée de la migration vers l'Europe, connaît depuis des mois une crise migratoire permanente qui l'a même obligé à improviser des centres d'accueil dans les hôtels du pays. Merci Adam pour ces explications et ces éclaircissements. C'était votre chronique européenne sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Bientôt pour une prochaine chronique. Portez-vous bien. À bientôt.